Bonjour à tous. Je voulais juste dire quelques mots, désolé pour ceux qui m'ont déjà entendu ce matin, pour vous souhaiter la bienvenue au Cinéma des Cinéastes, qui est la spécificité à Paris d'être un cinéma détenu par des cinéastes, en l'occurrence les cinéastes de l'ARP et dont je suis le délégué général. Je voulais vous souhaiter la bienvenue parce que c'est la deuxième édition de ces rencontres de la création qu'on organise ici avec la volonté de... On a les rencontres cinématographiques qu'on organise chaque année à Dijon, l'ARP, qui sont des rencontres d'ordre plutôt politique, institutionnel, où on s'interroge sur l'avenir du financement du cinéma, et en particulier du cinéma indépendant. Et on avait à cœur d'assumer le cerveau créatif, si j'ose dire, qui est quand même le principal cerveau des cinéastes de l'art, pour essayer de se saisir des évolutions du cinéma, surtout au regard de l'arrivée, je ne sais pas si on peut parler de l'arrivée, mais en tout cas du développement très fort du numérique, et essayer de vraiment réfléchir à l'évolution du cinéma au regard de l'ensemble de ces évolutions et des nouvelles pratiques. Et donc, on est absolument heureux d'organiser cet événement avec beaucoup de partenaires, donc je ne peux pas tous citer, mais je vais quand même citer Orange, puisque Boris est autour de la table, et on est très heureux qu'Orange nous accompagne sur ce projet. Et je remercie évidemment l'ensemble des participants et des modérateurs, en particulier Pierre-Jean qui va animer cette table ronde. Je vous souhaite une excellente journée de débat et je vous souhaite à tous de participer autant que faire se peut, parce que je crois qu'il y a un petit moment qui sera ouvert à la salle. Voilà. Merci beaucoup. Bien. Bonjour à tous, merci d'être là. Avant de commencer, je vais quand même faire une petite présentation des personnes en présence. Donc Boris Duchesnay, vous avez déjà été présenté, vous êtes directeur des programmes et acquisitions chez OCS, où vous proposez, j'ai une citation de vous-même, de travailler la cinéphilie de manière ludique et d'éveiller la curiosité. J'ai fait des recherches. Alors, on aura l'occasion de parler de votre passion du cinéma de genre et aussi de quelques programmes que vous proposez, notamment dernièrement la chaîne à l'occasion du Carrosse d'Or qui lui a été remis à proposer un focus sur John Carpenter. Donc, on pourra parler de ça ou d'autres choses. Caroline Beaumarchand, bonjour. Vous êtes productrice chez Avenue B Productions. Vous avez produit notamment un film qui flirte avec le cinéma de genre, sorti en début d'année lors de la sortie de Sébastien Marnier. Donc on pourra notamment parler de ça et de votre amour probable du cinéma de genre et de ce que vous voulez travailler là-dedans. À côté de vous, Julia Ducournau, bonjour, donc réalisatrice, scénariste. Beaucoup vous ont découvert avec un de vos courts-métrages Junior, datant de 2011, avant la sortie de votre premier long en 2017, Grave, qui a lui tout seul a relancé la question que nous allons aborder aujourd'hui du cinéma de genre en France. Le film a notamment obtenu le Grand Prix au Festival de Gérard May, après avoir été sélectionné à la semaine de la critique à Cannes et avant de recevoir 6 nominations au César. Par ailleurs, en septembre dernier, vous avez présidé le nouvel appel à projet, du CNC en faveur de la production de films de genre. Donc, j'espère qu'on aura l'occasion d'en discuter avec vous. Alexandre Aja, bonjour, réalisateur, producteur, qui après 2 films réalisés en France, Furia et Haute Tension, véritable phénomène, vous êtes exilé aux États-Unis où vous avez réalisé plusieurs grands succès, La Colline à des yeux, Mirrors, jusqu'à Piranha 3D, ensuite Horns et La 9e vie de Louis Drax. On attend avec impatience votre nouveau film qui sort le 24 juillet sur nos écrans, un film d'Alligator produit par Sam Raimi, Crawl. Et enfin, Coralie Farja, après 2 courts-métrages remarqués, vous avez réalisé votre premier long métrage qui est sorti sur nos écrans lui aussi en 2017, Revenge, qui a été lui aussi sélectionné à Gérard May, primé au Festival international du film de Catalogne. Rape and Revenge Radical, donc d'un genre bien particulier. Revenge a notamment la particularité d'avoir été tourné en partie en langue anglaise, ce qui va être, je pense, un de nos sujets de discussion, puisque c'est l'une des particularités de beaucoup de films de genre français, en tout cas dans leur production. Alors, puisque c'est la question du jour, la première question que je voudrais aborder, puisqu'on a vu que vous étiez tous avec des profils plutôt différents, j'aimerais vous interroger en guise d'introduction, par une question un peu basique, sur votre rapport, vous, personnel, affectif, cinéphilique, au cinéma de genre, si vous êtes particulièrement friand, comment vous l'avez découvert, comment en êtes-vous arrivé là? Voilà, s'il y en a qui veut commencer, Boris. Je vais commencer. Moi, il a commencé très tôt. On parlait tout à l'heure en déjeunant de la notion de plaisir coupable. C'est vraiment ça. Moi, c'était mes premiers plaisirs, plaisir coupable, puisque c'était J'avais un copain quand j'étais petit qui avait un magnétoscope et à l'époque là où j'habitais en Bretagne il n'y en avait pas. J'allais au puits chercher de l'eau, je vivais pauvrement. Et lui il avait un magnétoscope et donc et les premières choses qu'on regardait avec lui c'était des films de genre en fait. Et notamment je me souviens de Scanners de Cronenberg. Je crois que c'est mes premiers émois, mes premiers plaisirs, mes premières frayeurs. C'est d'être avec ce pote qui était un petit peu plus riche que moi, qui avait les moyens d'avoir un magnétoscope, qui était à l'avant-garde, et se regarder un peu ces films-là. Donc pour moi, le rapport au film de genre, il est nourri de plaisirs, d'interdits et de premiers émois d'enfants. Voilà à peu près comment tout a commencé. Et puis ensuite, ça ne m'a plus jamais quitté. C'est ensuite un rapport de cinéphile de base. Et puis j'ai la chance maintenant de faire un métier qui me permet de voir des films, d'en choisir. Donc ça, c'est un vrai luxe. Et du coup, j'essaye de transférer ce brin de passion que j'ai eu quand j'étais enfant dans les choix que je fais aujourd'hui pour les antennes d'OCS. Moi, c'est un peu comme toi, c'est-à-dire que c'est forcément lié un peu à l'adolescence ou la préadolescence. Moi, je me souviens, c'est des souvenirs de lits superposés chez mon meilleur ami. On était 8 dessus et on regardait des films qui nous faisaient peur. Et voilà, il y avait un truc très, très agréable de partager ça. J'ai l'impression que ça se poursuit parce que j'ai maintenant des enfants préados et que voilà, ils sont tous fans de vos films et qu'on peut enfin parler de films ensemble, c'est-à-dire que tous les films que je produis habituellement, ils trouvent ça complètement nul. Mais voilà, il y a des films, quand ils me disent est-ce que ça fait peur, et tout ça leur plaît beaucoup. Et ils sont fans de vos trois films. Donc, ils vont être trop contents que j'ai passé une partie de la journée avec vous. Alors, moi, en fait, c'est parti sur un malentendu. Du coup, parce qu'à 6 ans, j'ai regardé Massacre à la tronçonneuse sans le savoir. Et du coup, je pense que ça a changé pas mal de choses dans mes neurotransmetteurs. Et après, j'ai aussi des parents donc, qui ne savaient pas que j'avais regardé Massacre. C'est pas des parents indignes, ils sont quand même, ils font gaffe. Mais quand même, qui sont très cinéphiles et qui n'ont jamais vraiment fait de discrimination de genre sur les films qu'on regardait. Puisqu'ils considéraient que, en fait, un grand film, c'est un grand film. Donc Psychose étant un grand film, j'ai vu à 7 ans. Après Les yeux sans visage aussi très jeune, après ça peut être aussi sur d'autres trucs très traumatisants genre Mirage de la vie de Douglas Sirk que j'ai vu beaucoup trop jeune, j'avais l'impression que la vie c'était vraiment nul après, c'était beaucoup trop jeune pour penser ça mais c'était quand même un avantage d'avoir des parents aussi ouverts d'esprit que ça. Et après je me suis fait ma propre cinéphilie notamment qui a commencé je pense vers 11 ans où là vraiment j'ai regardé Shining en loose day, enfin comme vous, sous la couette avec mon meilleur ami. Ça m'a fait faire des cauchemars pendant 3 ans. Et j'ai un peu regretté, j'avoue, parce que je voyais les jumelles partout. Il y a des longs couloirs chez mes parents, c'était l'enfer. Et puis après, j'ai découvert Cronenberg toute seule. Alors là, vraiment, ça a été un grand moment d'émancipation pour moi, j'avais un rapport en fait intime avec ces films, parce que personne ne me les avait conseillés. Mes parents ne connaissaient pas. C'était vraiment, je suis tombée dessus absolument par hasard. Et donc, du coup, j'ai traversé cette filmographie toute seule, en détestant au début, mais en essayant de comprendre pourquoi j'avais détesté, de mettre le doigt sur les sensations très gênantes que ça m'avait procurées, notamment pour Crash, où c'était vraiment, j'avais l'impression de voir un porno. Et donc, du coup, voilà, ça m'a dit beaucoup de choses de moi-même. Et donc, c'est pour ça que, voilà, pour moi, ça a été un grand moment, en fait, de coming of age, comme on dit, à ce moment-là. Et puis, bizarrement, quand j'ai commencé à écrire des films, donc, à l'école, en fait, à la FEMIS, je me suis jamais dit que j'allais écrire un film de genre, en fait. Je m'incluais pas du tout là-dedans, en fait, je savais pas très bien ce que je faisais, comme personne, je pense, à cet âge-là. Et il s'est avéré qu'en fait, c'est finalement par les regards des autres sur les petits courts-métrages que je pouvais faire à l'école que je me suis rendu compte que c'était pas une cinéphilie académique, on va dire, que j'avais. Mais je m'en rendais pas compte, moi, parce que je me disais pas, tiens, je vais faire peur ou tiens, je vais mettre mal à l'aise ou un truc comme ça. Juste, ça sortait comme ça. C'était mon langage à moi, en fait, qui s'était fait avec les années. Et c'est un peu toujours le cas aujourd'hui. J'avoue que je suis toujours un peu étonnée. de certaines réactions face à Grave, voilà, qu'on dise que c'est un film absolument horrible, horrifique, tout ça machin. Moi, personnellement, j'essaye de faire des choses que je trouve belles, et je trouve la beauté. Je trouve la beauté peut-être dans des endroits un petit peu tabous. Donc voilà. Moi, c'est arrivé aussi par accident, assez similaire. J'ai loué par accident Shining autour de, je pense, 6-7 ans. Et j'ai découvert quelque chose en mettant la cassette dans le magnétoscope. J'avais un magnétoscope. C'était tout d'un coup le pouvoir d'immersion de ce type de cinéma. C'est-à-dire l'incapacité d'arrêter, tout simplement parce que j'avais disparu de la pièce. J'étais hypnotisé dans le film, toute distance entre l'écran et moi, spectateur, avait disparu. Et c'est ça qui m'a fasciné, au-delà de me terrifier, évidemment, et de me traumatiser pendant quelques années. Mais ça m'a en fait permis de me rendre compte que ce que j'aimais dans le cinéma, et pas seulement dans le cinéma, mais c'était vraiment cette capacité qu'ont certains artistes à créer une immersion, un sentiment de voyager sans voyager, de vivre une histoire qu'on ne vivrait pas dans d'autres circonstances, et pour le cinéma d'horreur, tant mieux. Mais c'est vraiment ça qui m'a attiré. Après, le cinéma de genre, c'est une notion qui est un peu difficile parce que, et je pense qu'on va en parler, on a l'impression que tout d'un coup, c'est un autre type de cinéma. En fait, le cinéma de genre a pris ce nom-là, et même le plaisir coupable, hein, même si je comprends très bien le plaisir coupable, on a grandi avec la 5. Donc c'était, voilà, mais il y a quelque chose dans le cinéma de genre plaisir coupable qui réfère à des films qui sont pas forcément des réussites. Alors quand on parle de l'Exorciste, de Shining, de Psychose, on parle de chef-d'œuvre et tout d'un coup ça fait plus partie du cinéma de genre. Et pourtant, si on parle de cinéma d'horreur, bah, c'est du cinéma d'horreur pareil. Donc finalement, il y a une certaine tendresse pour un cinéma un peu plus raté. Qui serait charmant et un peu kitsch, et donc c'est ça finalement le plaisir coupable, le cinéma de genre. Mais le cinéma de genre n'a pas vocation à être raté au départ, et justement c'est ça qui fait toute sa beauté, c'est que les gens qui le font en général ont vraiment l'impression qu'ils vont faire un chef-d'œuvre quand ils le font. Après, des fois ça devient, et puis des fois non. C'est un peu le voilà, mais en tout cas c'est ça mon rapport à ce cinéma là c'est un rapport immersif, c'est une qualité qu'on retrouve dans plein d'autres types de cinéma. Donc c'est voilà, ça va au-delà du cinéma de genre. Bon, en fait, mon rapport au cinéma de genre est effectivement bien plus large que le cinéma d'horreur, ce à quoi on assimile souvent le cinéma de genre à un genre uniquement horrifique. C'est vrai que pour moi, quand j'ai découvert voilà, le cinéma, c'est, comme le disait Alexandre, tout ce qui m'amenait hors de la réalité quotidienne, tout ce qui permettait de m'échapper de ce que je trouvais très ennuyeux dans la vraie vie et de vivre des aventures voilà, qui ne se passeraient pas dans la vie quotidienne. Donc, moi, ça a été vraiment aussi bien le film d'aventure à la Indiana Jones que le film d'action plus violent à la Rambo, Robocop, qui projetait dans des univers qui étaient transgressifs d'une certaine manière, souvent parce que c'était à l'époque une violence excessive qu'on n'avait pas l'habitude de voir. Après, un peu plus tard, en découvrant voilà, les univers un peu plus étranges à la Cronenberg ou à la Lynch, il y a comme ça un rapport au corps, au monstrueux ou au mélange avec la sexualité. Et je pense que ce côté transgressif, pour moi, est une composante importante de ce qui m'a plu dans ce cinéma-là, mais qui englobe vraiment des cinématographies bien plus larges que juste le cinéma d'horreur. Et je suis aussi tout à fait d'accord sur le fait que des films voilà, qui sont considérés aujourd'hui comme des classiques Voilà, que ce soit les Shining, par exemple, empruntent complètement, enfin, sont complètement des films de genre et ont leur galon malgré tout. Donc, voilà, que ce soit pour le cinéma de Carpenter aussi, enfin, un bon film est un bon film. Voilà, mais l'élément transgressif, je pense, est un élément important dans ce goût pour cette cinéphilie-là. Alors justement, on va essayer d'aller le plus loin possible dans cette notion du cinéma de genre et de ne pas la cantonner au nanar ou au plaisir coupable. Et ça va être notamment le sujet de ma première question, qui est une question un peu liée à l'actualité. Parce qu'en mai dernier, la Palme d'Or du Festival de Cannes a été remise à un cinéaste qui se dit cinéaste de genre, Bong Joon-ho, il se présente comme tel. Donc Parasite. Et ce qui m'intéresse, c'est que cette Palme d'Or a été accueillie, somme toute, comme tout à fait logique, voire attendue, voire même convenue par certains. J'ai entendu un critique que je ne citerai pas, mais qui disait que le film avait l'air d'être écrit par un algorithme à Palme, ce qui me paraît quand même très étonnant quand on le voit. Et du coup, justement, est-ce que, à travers cet exemple, on pourrait considérer aujourd'hui qu'il y a eu un changement du côté des institutions, mais du côté du public aussi, puisque Parasite est un très grand succès, dans l'accueil du cinéma de genre? Est-ce qu'on peut enfin considérer que ces frontières-là sont finies, enfin, à travers cet exemple-là, ou pas du tout? Est-ce que quelqu'un veut répondre à ça? La première chose, c'est que... Enfin, déjà, Parasite est quand même vachement à part dans la filmo de Bong Joon-ho. Moi, j'ai été complètement pulvérisée par le film, hein, je dois dire. Mais pas du tout du fait de son aspect genré, qui, moi, ne m'apparaît pas immédiatement hein, quand on parle du film, hein, mais évidemment par la frontalité de son constat social qui m'a vraiment, vraiment, vraiment terrassée hein, à la fin du film. Et je ne fais pas de spoiler pour ceux qui ne l'ont pas vu. Mais voilà, il faut quand même remarquer qu'effectivement, hein, il se présente comme un cinéaste de genre, et il a tout à fait raison, parce que dans beaucoup, beaucoup de ses films, il a manié le genre, plusieurs genres d'ailleurs. Évidemment, la fable avec Okja, le polar mais avec Memories, Dio, c'est évidemment un film de monstre, tout ça, machin. Etc., etc. Par ailleurs, je trouve ça du pur, c'est-à-dire que je trouve que cette Palme d'Or est amplement méritée, d'un pur point de vue genre, évidemment, on le donne au film le moins genré qu'il ait jamais fait. Il faut quand même reconnaître ça. Mais après, est-ce que ça veut dire... Cannes, c'est un endroit particulier, hein, parce que après, dans le terme, c'est pas totalement fermé au film de genre, si on pense que tous les Lars von Trier sont systématiquement en compétition quand même. Et c'est pas le seul. Donc il y a quand même, et en plus hein, vraiment des gratinés quand même de Lars von Trier. Je pense pas qu'on puisse étendre l'analyse que l'on fait des sélections cannoises à la réalité de l'appréhension générale vis-à-vis des films de genre. En plus, il faut discerner là-dedans l'appréhension du public français vis-à-vis des films de genre américains et ceux vis-à-vis des films de genre français, ce qui n'est pas du tout le même accueil quand même. Donc du coup, est-ce qu'il y a une ouverture à ce niveau-là? Moi, je pense que de toute façon, il y a un public, ça c'est sûr, et que quoi qu'il arrive, ce public, il est plus large qu'on ne le croit. Après, c'est à plein d'autres endroits que ça se joue. L'ouverture pour l'instant depuis, j'ai l'impression, 2017, c'est vrai qu'on a vu quand même plus de productions de genre françaises sortir en salle et tout ça, ce qui est évidemment réjouissant, mais qui reste incroyablement marginal par rapport à l'ensemble de la production française, qui, je le rappelle, est quand même le pays qui produit le plus de films en Europe. Pour moi, il y a une forme quand même d'hypocrisie que de dire oui, la France est en train de s'ouvrir au genre, parce qu'on se rend bien compte qu'évidemment, bah, le genre d'un pur point de vue du marché international est incroyablement payant. Ça amène beaucoup de rayonnement, puisque nous, on est un des derniers pays à mettre le pied à l'étrier. Donc il y a plein d'autres gens avant nous qui l'ont fait à travers le monde, donc on voit bien que ça marche, que tout ça, et puis que ça crée des buzz, on adore les buzz. Donc qu'il y a potentiel là, mais malheureusement, c'est vrai que là où ça pêche, c'est qu'on dit oui, mais on peut pas financer parce que il y a en fait. Ah, je suis coupée, si, non, je suis de retour, ok. Il y a très peu de gens qui vont venir voir ça en salle, mais il y a plein de raisons pour lesquelles les gens ne vont pas venir voir ça en salle. La première raison déjà, c'est qu'on ne fait rien pour éduquer les spectateurs vis-à-vis du film de genre, dans la mesure où effectivement on va dire « Ah oui, mais toutes les productions de genre en France, c'est des nanars, on voit bien qu'il n'y a pas de production value, c'est-à-dire on voit bien qu'il n'y a pas de budget ». Ça ressemble pas effectivement au feu d'artifice des films américains auxquels on est habitué, nous, hein, tout simplement, le cerveau il est habitué à ça. Mais c'est aussi parce que ça bloque à cet endroit-là, c'est-à-dire qu'il y a, on se dit ah, mais c'est le chat qui se mord la queue, c'est-à-dire, ah, il y a personne qui y va, donc on va pas donner de budget suffisant parce qu'un film de genre ça coûte très très cher par rapport à effectivement un drame social, on va dire ça coûte très cher, les effets spéciaux ça coûte très cher. Et donc du coup, eh ben, on va prendre tous les alibis possibles pour pas financer, pour pas financer cette catégorie-là de films qui est extrêmement problématique. Donc voilà, donc l'ouverture pour moi, en tout cas, elle est à lire quelque part, elle est pas à lire du tout dans le festival, mais éventuellement aux initiatives plus restreintes, on va dire, de certains producteurs qui lâchent pas l'affaire et de certains financiers. Voilà. Mais il y a quand même une évolution sociétale sur dans le monde, hein, et pas seulement en France, sur comment dire le nombre de personnes qui aiment se faire peur, qui aiment ce type de sensation. À travers évidemment la télé, que ce soit Walking Dead, Game of Thrones ou bien... Bref, il y a quelque chose quand même qui est devenu beaucoup plus large en termes de public. Et c'est vrai que... je me souviens quand on a commencé à essayer de faire du cinéma de genre en France dans les années... fin des années 90, il n'y avait pas encore un public. Parce qu'aujourd'hui, on peut établir quand même qu'il y a au moins... entre 1,5 million et 2 millions de spectateurs en France qui aiment le cinéma d'horreur en salle, parce que c'est ça les plus gros scores qu'on retrouve sur les franchises Conjuring. Donc ces gens-là vont pour voir un film qui fait peur, donc ils ont quand même une sorte de... Ils sont disponibles. Alors maintenant la question c'est pourquoi ces gens-là n'ont pas envie de venir voir un film français qui peut avoir les meilleures critiques du monde, le plus grand parcours dans les festivals. Pourquoi les chiffres ne sont pas les mêmes ? Pardon. Non, je te coupe, mais parce que souvent, les distributeurs, etc., n'assument pas le genre. Donc, ils se disent le public le plus facile à capter, c'est le public âgé, le public de cinéphiles, etc. Donc, on va s'assurer que ce public-là, déjà, peut venir. Mais donc, ça veut dire, évidemment... cacher les éléments du genre. Enfin, je parle de films entre guillemets entre plusieurs genres, oui, ou des films d'auteur qui jouent avec les codes du genre, etc. Mais c'est vrai que ces films-là qui peuvent avoir une super critique, etc. Bah, y a pas le boulot de marketing. Oui, mais même il y en a eu d'autres. Il y a eu des films qui étaient purement d'horreur qui ont été vendus comme tels, hein, que ce soit de Promenons-nous dans les bois à l'époque ou à Haute Tension ou à Frontière ou Martyr peut-être à la limite, mais il y avait quand même une image, ça va faire peur, il va y avoir du sang, et pourtant les spectateurs n'étaient pas là, hein. Il n'y a pas un de ces films-là qui a été un succès. Donc c'est après. Oui, Promenons-nous, c'est l'exception, c'est vrai. Ouais, c'est l'exception française, film, on se souvient. Après, excuse-moi Alexandre, mais c'est la vraie puissance marketing aussi des studios sur leurs franchises qui sont vendus d'une manière très différente. C'est quand même un peu plus compliqué que ça, parce qu'on a quand même un système en France, sans rentrer dans des choses trop précises, mais qui est extrêmement avantageux pour le cinéma français. C'est-à-dire qu'on est peut-être le dernier pays en Europe où la publicité à travers des spots des bandes-annonces télévision est interdite pour justement garantir une égalité entre une production locale et une production américaine qui aurait beaucoup plus d'argent pour acheter ça. Donc on est encore dans une promotion qui passe par la télévision, par la presse, par les affiches, par tout ça. Donc on a accès à tout ça et la plupart de ces films-là ont eu une sortie avec une distribution. Alors c'est pas évidemment les mêmes budgets, mais il y a quand même des cas... sans aller aux États-Unis, que ce soit un film comme Rec ou The Descent, qui est un film anglais, ou qui ont réussi à faire des scores absolument énormes avec des coûts de production qui sont en deçà de tous les films qu'on a, je veux dire, qui sont à 1 million, 2 millions, voire moins. Donc ça marche. Il y a quand même quelque chose, sans être trop négatif, il y a quand même quelque chose, un état d'esprit qui fait que, en tant que spectateur français, il y a un truc, quand c'est français, bah, on n'a pas encore eu le cas qui fait « Ah, si c'est français, ça va être bien ». Il y a une sorte d'a priori, étrange et dommage, parce que d'autres pays ont réussi à le surmonter. Et c'est vraiment ça la question, j'ai l'impression que c'est... Excuse-moi, juste pour revenir sur Parasite, non, je pense que ce qui a contribué énormément au succès du film ici, c'est le côté pour moi très chabrolien du film. Voilà, et que ce côté chabrolien-là permet d'assimiler le genre et d'en profiter. Mais effectivement, pour moi, ce côté-là est plus présent que le côté genre du film dans Parasite. Justement, est-ce que au-delà de l'argent mis en place, est-ce que c'est pas aussi lié à l'image qu'on peut avoir du cinéma de genre, qu'on va souvent lier, c'est aussi ce que vous disiez Caroline, qu'on lie souvent au cinéma d'exploitation, à la série B, tandis qu'en France on est plus, pour caricaturer vraiment grossièrement, dans une idée de la politique des auteurs. Du coup, est-ce qu'il n'y a pas aussi, est-ce que le problème des films de genre français est aussi pas lié à un conditionnement en fait du spectateur français et du cinéphile français aussi, qui regarde ces films différemment? J'aime pas trop l'idée de conditionnement parce que ça implique une forme de fatalité, si tu veux. Donc du coup, ça veut dire que nous, on met la clé sous la porte demain, en fait. Mais donc je suis pas très très pour parler de ça. Moi, je crois vraiment, pour un petit peu te contredire, Alexandre, sur ce que tu disais à la fin, je crois quand même vraiment qu'il y a un manque d'effort absolu et une hypocrisie absolue par rapport à notre système de financement de ces films-là. Mais vraiment, quoi. C'est-à-dire que il y a un moment, je pense sincèrement que les gens, ils vont pas voir des films genre français parce qu'ils vont dire ça va être cheap. Bah ouais, mais ça veut bien sûr ça va être cheap parce que nous, on considère déjà que 5 millions, c'est un gros budget. Mais je sais pas, le budget de Us, de Jordan Peele, c'est bien plus que ça. Bon, c'est pas énorme non plus. Oui, mais le budget de Get Out, c'est 4 millions de dollars. C'est-à-dire oui. 3 millions d'euros. D'accord, je suis d'accord. Mais ça, déjà, même ça pour nous, c'est, je pense que c'est dur à avoir. Même ça, c'est-à-dire que t'es à 3 millions d'euros en France, c'est déjà un gros budget pour faire un... Moi, j'ai fait Grève avec 3 millions, c'était déjà genre le Saint Graal, tu vois, on avait tapé la timbale, quoi. Ah ouais, c'est énorme. Et c'est ça qui est un petit peu désespérant. C'est-à-dire que du coup, tu te dis, bon, bah quoi, je vais être bloqué toute ma vie à 3 millions. Donc, ciao les VFX, ciao les SFX, ciao. Ou alors, je mise tout sur une scène. C'est un peu ça le truc. Comment tu veux rester compétitif comme ça? C'est quasiment impossible. C'est-à-dire qu'il y a un moment où il faut vraiment qu'il y ait un effort d'accompagnement qui vienne des chaînes, qui vienne des institutions et tout ça. Ou alors, on arrête tout simplement de dire que la France encourage le film de genre. Mais c'est vraiment cette hypocrisie-là qui me rend dingue. Ça coûte cher, voilà. Ça coûte cher, ça coûte plus cher qu'un autre film. Mais à un moment, il ne faut pas... Justement, par rapport à ça, je trouve ça intéressant ce que tu dis, Julia, c'est le décalage. En effet, prenons l'aide du CNC qui a été mise en place pour soutenir donc, les films de genre, donc, qui est un excellent premier pas, parce qu'au moins, c'est un premier pas. Mais je pense que dans les montants qu'elle attribue, elle résume à peu près cette situation où l'aide est... On attribue plus que sur l'avance sur recette hein, par film, hein. Beaucoup plus. Hein. Mais c'était pas 500 000 C'était 500 000, c'est pas le cas à l'avance. Hein. Bah, l'avance peut aller jusqu'à 800 000. L'avance peut aller jusqu'à... Ça arrive jamais, mais jamais. Elle peut aller jusqu'à 800 000. Oui, mais elle peut, mais elle n'arrive pas. Ce que je veux dire, c'est que quand t'as l'avance, t'as plus de chances d'avoir 300 000 euros pour quasiment n'importe qui que 500 000, hein. Vraiment. Ça dépend. Enfin, franchement... En tout cas, je te jure, c'est regarde les chiffres sur Internet, c'est vraiment ça. 800 000, c'est ce qui est dit, c'est le maximum qu'on peut donner, mais ça arrive quasiment jamais, parce que si tu donnes 800 000 à un film, bah, ça veut dire qu'il y a trois autres films qui passent pas. Oh, mais il y a des films qui ont eu 800 000, ça peut arriver. Enfin, ce n'est pas plafonné, je veux dire, ce n'est pas plafonné à 500 000, ça peut les dépasser. Même vers 300 plus. Mais par ailleurs, pour répondre à ton truc sur ton objection sur la commission du CNC de l'aide aux films de genre, effectivement, moi je trouvais que c'était un geste fort par rapport à la communauté des cinéastes de genre, et que je sais que c'était une aide qui était quand même attendue par beaucoup depuis très longtemps, et venant du CNC, c'était un peu inespéré. Quand même, moi, je maintiens que les aides allouées sont assez belles par rapport à ce qu'on aurait pu espérer, ou en tout cas à ce que ces films-là précisément auraient pu espérer à l'avance sur recette. Et d'ailleurs, tout simplement, je pense que les trois films qu'on a aidés, c'est des films qui n'auraient jamais eu l'avance sur recette. C'est-à-dire que tout simplement, ils ne se seraient pas faits vu les budgets dans lesquels ils étaient. Donc, moi, je trouvais effectivement qu'il y avait quelque chose de fort là-dedans. Après, c'est vrai que l'idée de passer à la comédie musicale après nous laisse un petit peu tous sur le carreau parce que, en fait, si ça veut dire qu'on a une commission tous les 8 ans, si on passe par tous les genres vraiment et tout ça, machin, ça devient très compliqué. Donc, après, l'idée, c'est de se dire pourquoi est-ce qu'à l'avance sur recette, ça coince au niveau du genre. Parce que, de toute façon, cette commission-là ne pourra jamais. Ne pourra jamais rivaliser avec l'avance sur recette. C'est ça qui est fou, c'est qu'il y ait une commission d'avance sur recette pour les films de genre. Oui, tout à fait. Qu'on en arrive là, ouais. Ce qu'il faudrait, c'est qu'il y ait des gens comme vous, enfin comme nous, je sais pas comme vous, à l'avance, parce qu'en fait, c'est vrai que c'est un peu ridicule ce truc des genres différents tous les ans, etc. Après, bon, il y a les contrats. Enfin, moi, j'ai produit un film qu'on a tourné à Dubaï, qui est un film avec la question du double, enfin avec un double qui est évidemment un film éminemment politique, mais qui utilise quand même les codes du genre et qui a eu l'avance. Mais c'est vrai que donc c'est pas impossible non plus. Mais c'est vrai que et toi, tu as eu l'avance d'ailleurs. Et au bout de 3 fois, je crois. Nous aussi, au bout de 3 fois. Mais bon, ça arrive quand même souvent, même sur des films intimistes. Pour préciser, je crois quand même que moi, on m'avait dit avant que je passe l'avance la première fois, que la dernière fois qu'un film de genre avait eu l'avance, c'était Jean, et c'était genre il y a 10 ans. Genre, du coup, ça remet quand même un peu les choses. C'est vrai que c'est possible. Je pense que c'est Jean, tu vois pas ce que c'est ? Je pense que c'était au moment de la French Frayeur. Tu vois, donc ça date quand même. Et donc du coup, voilà, c'est vrai que c'est possible. Je pense quand même, il me semble que maintenant il y a un encouragement qui est plus fort à ce niveau-là. Mais en tout cas, pour moi, c'est-à-dire que c'est tout un système qu'il faut réformer. C'est pas juste donner des encouragements ou donner des espoirs, un truc comme ça. Je vous donne un exemple très bête, mais d'un point de vue scénaristique, vous savez comment ça marche CNC, donc il y a des lecteurs et puis après on passe en comité ou on passe pas en comité. D'un point de vue scénaristique, écrire un film de genre, c'est pas du tout la même chose qu'écrire un drame social ou qu'écrire une romance. Tout simplement parce que le genre, ça utilise l'image pour parler. Voilà, la narration se fait un maximum par l'image. Imaginez par exemple des scènes de La Mouche où il est tout seul dans son labo. Vous voyez le peu de dialogue qu'il y a. Je veux dire, si vous ratez une ligne de la description, vous comprenez rien au film. De la même manière, moi personnellement, je sais que si on lit que les dialogues de mes films, on comprend rien à mon film, mais rien du tout, quoi. Et donc du coup, c'est vrai qu'il y a un truc où on se dit, bah oui, c'est vrai que c'est différent à lire, c'est beaucoup de descriptifs, mais ce descriptif-là, on peut pas le lire comme le descriptif de, alors voilà, il y a Jean-Guy qui marche dans la rue, il a un toupet blond, et puis il allume une cigarette, on peut pas lire ça en diagonale comme ça, c'est trop important. Et donc j'ai l'impression que les gens sont même pas formés encore à lire les films de genre pour ce qu'ils sont, et que du coup on va dire, ah, voilà, c'est trop long, c'est trop lourd, c'est machin, mais tout passe par l'image. Et donc, il faut se mettre quand même dans l'univers, dans la tête de la personne qui écrit ça. Voilà. Ça, c'est vrai à tous les niveaux. Enfin, moi, je redonne un exemple qui est le prochain film de Sébastien Marnier où il y a 20 pages de description d'une course-poursuite. Et bon, bref, je ne vais pas vous spoiler, mais et qui est vraiment genre. Et en fait, à chaque fois, même les comédiens, c'est-à-dire même les comédiens disent « Ouais, bon, ton truc de 15 pages à la fin, là, pff, j'ai sauté. Hein, » mais enfin, voilà. Donc, il y a quand même ce truc où, en effet, ils n'ont pas forcément l'habitude, etc. Mais par ailleurs, je pense que c'est quand même possible d'ouvrir les choses aux films de genre à l'avance. Et d'ailleurs, ce que je trouve encourageant, moi j'ai fait passer le concours d'entrée à la FEMIS l'année dernière, et que honnêtement, 80% des gens, je dis pas ça parce que t'es là, mais nous parlent de Grave comme un film de référence. Enfin, je veux dire, il y a quand même un truc où le cinéma de genre chez la nouvelle, enfin dans la nouvelle génération de cinéastes, et j'imagine qu'il y en a parmi vous, c'est quand même quelque chose qu'on assume, qui fait partie de la culture. Cronenberg, enfin voilà, tout ça, c'est en train d'arriver, et c'est plus un plaisir coupable. Non, mais justement, pour rebondir là-dessus, et puis pour rebondir sur les financements, parce qu'on en parle, et je représente une télé payante, c'est vrai que nous, enfin, en tout cas pour nous, c'est vrai que ça a une vraie valeur, le film de genre. Je reconnais qu'effectivement, il est sous-financé, et je prends ma part dans cette problématique-là, puisque je suis un des maillons du financement, et je suis aussi une des personnes qui ne veut pas lâcher 50% du devis du film juste sur la part PTV. C'est presque ce qui est attendu, parce que c'est vrai que ces films-là, si on parle de genre, alors, on va peut-être pas rentrer dans les détails de tous les genres, parce qu'un un polar peut être financé par une hertzienne, mais le genre un peu plus marqué, si on flirte vers l'horreur ou vers le type de cinéma que vous faites tous, c'est peut-être moins pour les chaînes hertziennes. Donc du coup, le financement, il est effectivement financement CNC, avance sur recette, et puis la PTV est très importante. Faut rendre hommage au travail de mes concurrents et néanmoins amis Canal+, qui ont fait ce travail-là depuis très longtemps, qui avaient fait effectivement les collections de French Fryer, avec ensuite les dérives qu'on peut connaître, c'est-à-dire qu'après, il y a eu tellement d'argent sélectionné pour ça, qui a eu des films finalement assez mauvais. Mais c'est pas grave, en tout cas, ça a encouragé une initiative, ça a encouragé des cinéastes, et moi je m'inscris plutôt là-dedans. Côté OCS, donc on est, nous aussi, moi j'appelle de mes voeux vraiment les producteurs à venir avec des films de genre. Je trouve que c'est effectivement trop rare en France. Les raisons, on pourra effectivement les évoquer, on en a parlé, mais c'est vrai que je peux comprendre après dans les décideurs et même dans ma tête à moi, il y a une part de risque très forte sur un film de genre, et tu le dis, c'est très dur de déceler sur un script, est-ce que ça va être réussi, est-ce que ça va faire peur, si c'est un film de peur. Je vais faire une analogie peut-être un peu hasardeuse, mais avec une comédie, est-ce que ça va faire rire quand je lis cette comédie, voilà, est-ce que ça va faire rire, ben là, est-ce que je vais avoir peur tel que c'est, comme c'est écrit. Donc il y a c'est vrai, cette part de risque très importante, avec effectivement après tout ce qu'on dit sur l'exploitation, le fait que le film il n'est pas forcément bien exposé en salle, et donc pour nous, il faut savoir, en PTV, la première valeur du film, elle se crée avec la salle. Et puis il y a cette particularité qui est avec le film de genre. Le film de genre, en fait, même s'il ne marche pas en salle, il va performer en PTV, donc il a une vraie valeur finalement qui est créée en PTV. Donc c'est vrai que ça appelle une réflexion qui est de se dire, on a intérêt à plus financer ce genre de film. Néanmoins, on va regarder tous les financements que je fais en regard aussi de la première valeur qui est créée sur la salle. Et puis ensuite, il y a l'autre particularité, c'est l'interdiction qu'on peut avoir sur le film et d'avoir financé beaucoup un film, avoir mis beaucoup d'argent pour un film qui se retrouve au moins de 12 ou moins de 16, parce que l'idée, c'est pas de brimer un réalisateur qui t'a vendu un moins de 12 et puis au final tu finis avec un moins de 16 parce qu'il y a une scène avec des atroces. C'est un risque, voilà, c'est ce risque-là. Néanmoins, franchement, nous, on s'inscrit dans ce risque-là, on s'inscrit dans cet accompagnement, avec effectivement la particularité que le financement, il est encore assez fragile, et moi, je reconnais, je peux pas mettre trop d'argent sur un film de genre. Néanmoins, je trouve qu'il n'y a pas assez d'offres, en tout cas, moi, je n'en reçois pas assez. Voilà, donc ça, c'est quelque chose d'assez important. Ça ne dérange pas que je réponde à ça. Alors déjà, bon, évidemment, il n'y a pas assez d'offres, mais je pense qu'il y a aussi beaucoup de peur, hein, de toute façon. C'est vrai que moi, j'avais fait une intervention, justement, à la FEMIS au moment de la sortie de grève et tout. J'étais ravie de voir que, effectivement, les élèves étaient à fond, à fond dans l'espoir de pouvoir faire vivre le genre en France et de manière intelligente. Parce qu'il y a quand même un truc, tu me disais, c'est difficile de savoir si un scénario va faire peur quand on lit. Mais ça, pour moi, c'est pas bien lire le film de genre. Parce que ça veut dire que tu ne prends pas au sérieux. Pour moi, ce qu'il faut que tu te poses comme question quand tu lis un scénario, c'est comme quand tu lis n'importe quel scénario, est-ce que ça m'a ému? Est-ce que c'est profond? Est-ce que ça raconte quelque chose? Parce que c'est ça avant tout, hein, on fait du cinéma, on n'est pas là pour faire une niche qui parle qu'à des gens qui ont des références méga geek hyper précises que personne d'autre n'a. On est là pour faire des films avec notre âme, avec tout ça, sinon tu te positionnes dans un pur point de vue marketing par rapport aux films de genre, en te demandant si ça fait peur. Moi, si tu te demandes si grave ça fait peur, grave ça fait pas peur, et j'ai jamais revendiqué le fait que ça fasse peur, hein. J'ai jamais voulu faire peur, ça te dérange. Ça questionne peut-être pour certains qui ont aimé le film, ou pas pour les autres. Mais en tout cas, c'était pas le premier truc. Si quelqu'un lisait mon scénario en se demandant si ça fait peur, en jugeant ça là-dessus, j'aurais eu 0€, littéralement. Donc je pense juste qu'il faut se dire, est-ce que derrière, il y a un auteur? Parce qu'on en vient à la fameuse question du genre et de l'auteur. Il faut arrêter de dissocier ces deux termes. C'est n'importe quoi. Un auteur, il y en a partout. Un auteur, c'est une vision, quelle que soit la grammaire. Et le genre est une grammaire, comme une autre. il n'y a pas de raison qu'il y ait plus de discrimination sur cette grammaire-là que sur celle du drame, hein, ou du drame social. Et d'ailleurs, il peut y avoir du drame dans de l'horreur aussi. Il peut y avoir, voilà, on peut mélanger les choses surtout. Et d'ailleurs, il faut le revendiquer. C'est-à-dire que moi, enfin, les quelques films de genre que j'ai pu faire, c'était toujours des mélanges. Comme tu dis, on utilise la grammaire du genre pour donner une vision du monde. Et c'est ça qui est intéressant. Et c'est l'aspect aussi un peu politique et un peu sociétal. Enfin voilà, c'est, comme tu dis, une vision. Et souvent, c'est ce qu'on peut nous reprocher. C'est-à-dire, par exemple, les ventes inter, ils vont nous dire « Ah ouais, mais là, le côté entre deux, c'est compliqué, c'est pas complètement... ça rentre pas dans la case machin, parce que du coup, c'est pas dans la case truc. » Mais on sait très bien que c'est ça qui est intéressant. Et c'est pour ça qu'il faut continuer à se battre. Après, si je peux ajouter, moi je pense que dans le genre, malgré tout, il y a quand même un panel qui est assez différent et qui est perçu d'une manière différente et qui explique aussi les différences de financement entre, je pense, ce que tu vas appeler le plaisir de genre coupable, dont le premier objectif assumé, même si derrière il y a beaucoup d'autres choses, et soit de faire peur, soit de divertir en assumant totalement une efficacité de narration, d'action visuelle, et que ce cinéma-là est malgré tout en France considéré comme un plaisir coupable ou comme quelque chose qui est assez dévalué par rapport à un film d'auteur qui a beaucoup plus de sens, qui a beaucoup plus de discours affichés en premier plan. Et je pense, pour le coup, que vraiment, si on veut aider le cinéma de genre à se développer, il faut aider complètement ce cinéma qui va tout droit aussi dans sa volonté de divertir ou de faire peur en le faisant bien, en fait. Et c'est ça, moi, je pense, ce maillon qui nous manque vraiment en France. C'est-à-dire, je pense qu'on a effectivement l'émergence d'un cinéma d'auteur de genre, entre guillemets, qui se met en place, qui effectivement réussit à passer par le réseau CNC, le réseau FEMIS, le réseau un peu plus institutionnel et qui a ses lettres de noblesse. Par contre, on ne va pas se mentir, le cinéma de genre pur et dur, comme a pu l'être les Carpenter ou les Romero, ou les, voilà, ce cinéma n'existe pas, n'est pas aidé et ne peut pas se monter en français, puisqu'il manquera toujours un guichet de financement pour réussir péniblement à avoir 2 millions d'euros pour faire un film. Alors, non, il y a quelque chose, parce qu'on parle film d'auteur, ouais, film de genre et de tout ça. Alors, il se trouve que c'est très difficile de définir, parce qu'évidemment, ce n'est pas un film qui... je dirais que, pour reprendre un peu ce que tu dis, le film de genre, ce serait donc un film qui suscite une émotion forte, qu'elle soit la peur, le choc, le trauma, ou sans aller juste dans la peur. Mais il y a une sorte de quelque chose d'assez viscéral dans la réaction, si on devait trouver un semblant de définition. Après, dans ce type de cinéma-là, évidemment, il y a des choses extrêmement commerciales et des choses moins commerciales. La particularité qu'a ce type de cinéma, c'est que, à ma connaissance, en tout cas en grande majorité, tout ce cinéma-là est fait par des auteurs. C'est-à-dire que même le plus commercial des films d'horreur, ou le plus raté des films d'horreur, est fait par quelqu'un qui va le plus souvent l'écrire, le plus souvent le fabriquer avec ses mains, le plus souvent mettre toute sa personnalité dedans. Et c'est vraiment du cinéma d'auteur pour le meilleur et pour le pire. Ensuite, c'est vrai qu'il y a en France, on a la chance d'avoir une curiosité cinéphilique qui est très forte, où toutes les semaines, on a beaucoup plus de films qu'ailleurs dans le monde qui sortent en salle, où on peut voir énormément de différentes visions d'auteurs à travers le monde. Après, ce n'est pas forcément marketing. Moi, quand tu prends The Descent ou d'autres films d'horreur, moi, quand je fais un film d'horreur, j'ai envie de faire peur parce que j'ai envie, en tant que spectateur, d'avoir peur. Donc, je ne suis pas en train de me dire est-ce que ça fait peur, mais ça fait partie de mon écriture dans le scénario, d'arriver à ça. C'est vrai qu'en France, on a quand même une petite particularité où on reste quand même toujours avec ce sacro-saint films d'auteur, ce qui ne veut rien dire, encore une fois, parce que tous les films, même les plus commerciaux dans l'horreur, sont des films d'auteur. Oui, mais on s'entend, enfin, on sait ce que ça veut dire, bon, en disant ça. Le côté, un côté un peu plus, on va dire... Intellectualisant. Oui, intellectualisant, mais en même temps, qui va rechercher peut-être moins de sensations directes, parce que c'est plus gratuit, moins de jumpscare, parce que c'est facile, moins de toutes ces choses-là, et je le comprends bien. Mais c'est exactement... Alors, je vais juste faire un tout petit pas de côté en parlant, pour parler d'ici, de parler des États-Unis. Aux États-Unis, c'est la même chose. Il y a deux types de cinéma de genre pareil. Il y a le cinéma de genre extrêmement commercial qui sort en salle et qui est le dernier cinéma qui est encore capable d'être un vrai challenge pour les Marvel et les Disney et tous ces films-là, parce que c'est des expériences viscérales de cinéma. Et puis, il y a un cinéma de genre qui est beaucoup plus auteur, qui est sorti du réseau mainstream de la distribution salle, qui est maintenant beaucoup plus disponible sur les plateformes, qui sort dans des réseaux d'art et d'essai, et qui trouve sa place, parce qu'en langue anglaise, à travers le monde et dans les festivals, mais qui est un cinéma qui est tout à fait qui est fabuleux aussi, mais qui n'est pas le même cinéma. Et c'est vrai qu'en France, l'autre cinéma, c'est-à-dire cette partie plus commerciale, où on va dans un plaisir peut-être plus coupable de tours de montagne russes, on ne le fait pas en France. C'est-à-dire que moi, j'ai l'impression, avec haute tension, de l'avoir fait, parce que j'étais vraiment dans la logique de est-ce que ça fait peur sur chaque scène. Je pense qu'il y a d'autres films qui ont essayé, mais la plupart, en effet, n'ont pas cette vocation. Alors, c'est vrai que quand on va voir... n'importe quel film de la franchise Conjuring c'est clairement indiqué, même s'il y a énormément d'auteurs derrière, énormément de direction artistique, de point de vue, de vision, il y a quand même un sens décomplexé de se dire on est là pour prendre le spectateur et lui faire faire un tour de machine à laver et voilà, moi je me souviens d'aller voir des films comme ça, pas simplement américains, mais où on sent que la séance précédente, la température a monté, on sent que les gens ont réagi avec leur corps aux films qu'ils viennent de voir. Et c'est vrai que ce cinéma français n'est pas vraiment, en tout cas n'essaye pas d'aller dans cette direction-là, à part quelques-uns, il y en a, hein, Maury et Bustillo, ils font du vrai cinéma de genre. Du vrai cinéma qui essaye de chercher la peur et l'émotion dans la peur. Après, c'est vrai que la plupart, ça reste, et c'est très bien aussi, hein, je veux dire, ça, l'un n'empêche pas l'autre. Faire un cinéma d'auteur intellectuel qui, comme Parasite, flirte avec les frontières de la peur et de l'horreur, cinéma qui met mal à l'aise, le cinéma de Cronenberg, c'est un cinéma qui est magnifique. Et c'est génial qu'en France, le public aime tellement et que ce soit encore des films qui soient des cartons en salle. Je ne pense pas que Parasite sera un carton en salle aux États-Unis. Je pense que Parasite sortira dans une vingtaine de villes, dans quelques salles, sera un beau succès et sera un énorme succès derrière sur les plateformes, mais n'aura jamais ce succès populaire qu'il peut avoir en France. Et c'est ça notre force, c'est qu'on est capable d'aimer, de supporter et de voir ce type de film. Mais en même temps, il faut assumer la schizophrénie de... dire, bon, en même temps, voilà, on fait un cinéma qui est comme ça, qui ne va pas trouver forcément le succès populaire. On revient à la question de pourquoi on n'arrive pas, sur ce cinéma d'auteur, à créer ce succès populaire. Mais il y a un truc juste, moi, qui me dérange un tout petit peu dans ce que vous dites, c'est pourquoi mettre d'un côté, on va dire, un cinéma plus spectaculaire, appelons ça comme ça, un cinéma de spectacle, et de l'autre côté, un cinéma intellectualisant, surtout en citant Romero et Carpenter. Alors là, je ne comprends pas du tout, parce que les films de Romero, s'ils ne sont pas politiques, je ne sais pas ce qu'ils sont. Et les films genre Massacre à la tronçonneuse de Toby Hooper, en termes de diatribe antisociale, je ne sais pas ce qu'on peut faire de mieux. Et pourtant, ce sont des machines à laver, comme tu les appelles. Mais bien sûr, au premier plan... Ce qu'ils affichent au premier plan, ce qui va embarquer le spectateur, ça reste cette puissance de la peur ou de l'horreur avec derrière une lecture politique. En France, c'est vrai que dans les commissions notamment, c'est d'abord beaucoup plus le discours qui va être lu, comme tu le disais, sur la manière de lire un scénario. on va tout de suite vouloir que le sens soit au premier plan plutôt que d'être une lecture qui est derrière le wagon, la locomotive de son genre propre. Je pense que c'est ce qui empêche certains genres de films qui, pour moi, sont des grands films d'auteurs, mais qui sont présentés comme des divertissements très forts, de pouvoir rentrer dans les rouages de la machine CNC ou de ces aides un peu plus institutionnelles qui, on le sait quand même, et crème quand même un certain type de film qui n'aide pas. C'est ça, en fait. Okay. J'ai oublié de le dire au début, on avance très vite. évidemment, il y a un micro qui passe, et s'il y a des questions dans le public, on serait très content qu'il y en ait. Voilà, alors, on va élargir un peu. Moi, alors, j'avais un plan qui est parti en vrille, mais c'est tant mieux. Il y a une question qui m'intéresse aussi aujourd'hui, qui rejoint un peu cette idée auteur, genre, etc. Au-delà des phénomènes de création, il y a aussi beaucoup, comme vous citiez, Romero, Toby Hooper, beaucoup de ces cinéastes-là qui n'étaient pas tellement reconnus il y a quelques années et qui aujourd'hui accèdent, et on le voit notamment dans des ressorties, des restaurations, des éditions Blu-ray sublimes, des passages à la télévision. Est-ce que finalement l'essor du cinéma de genre ne doit pas aussi passer par là? Moi, par exemple, là vous citiez tous votre expérience du cinéma de genre venant des vidéoclubs. Je vais parler de mon expérience. Moi, par exemple, un film comme L'Au-delà, qui est de Fulci, c'est une rareté de vidéoclub. Moi, je le vois dans un master sublime, dans un Blu-ray incroyable. Je le considère immédiatement comme un chef-d'œuvre. Alors qu'avant, il était une rareté, j'imagine, de vidéoclub. Est-ce que ça passe pas aussi par une forme d'anoblissement de ces cinéastes-là, qui ont été considérés pendant très longtemps comme des cinéastes bis, qu'on pourrait relancer un peu la machine et créer de nouveaux films de genre? Qui veut commencer? Peut-être Boris, puisque vous passez de ce genre de film sur votre chaîne de temps en temps. Oui, alors répétons la question, parce que c'est parti très très loin. C'est parti très loin. Non, est-ce que en réanoblissant les grands cinéastes de genre, qui ont été considérés comme des cinéastes bis pendant un temps, on ne créerait pas comme ça aussi de nouvelles passions et de nouvelles envies? C'est tout le mal que je nous souhaite, nous, en tout cas, sur ce qu'on fait chez OCS. On a une chaîne qui est dédiée, qui s'appelle OCS Choc, qui est vraiment qui s'installe dans le cinéma de genre le plus large possible, hein, du polar, du film d'auteur. On va pas citer toutes les chapelles parce qu'on va encore se fâcher, mais mais en tout cas, voilà, c'est le cinéma de genre au sens large. Donc effectivement, on est nous curieux de. Et c'est vrai que notre devise, qui est vous êtes fan nous aussi, on est vraiment sur une volonté de curiosité et d'éveil à la cinéphilie. Et ça passe aussi à travers ce cinéma de genre sur OCS Choc. Donc c'est vrai, on parlait de Carpenter, qui est effectivement, qui a eu le carrosse d'or, c'est ça, qui est effectivement anobli maintenant comme étant un grand cinéaste génial, alors que peut-être effectivement, il y a quelques années, c'était pas le cas. C'était le cas de Clint Eastwood aussi, c'était un cinéaste réactionnaire pour beaucoup de gens pendant très longtemps, pour beaucoup de journalistes, et puis c'est devenu maintenant le cinéaste d'auteur assez incroyable. Donc on a, je pense qu'effectivement le temps fait son œuvre, le temps change la perception qu'on a des choses, l'époque aussi, l'époque dans laquelle on vit, l'époque, la société fait qu'on regarde plus un film avec le même prisme, la même analyse, et du coup effectivement un film qui était censé être un film bis devient un chef-d'œuvre 10 ans après ou 15 ans après. Sur nos chaînes, effectivement, on va essayer de faire en sorte de mettre en valeur tous les cinéastes possibles, avec l'idée qu'il n'y ait pas justement de chapelle, et l'idée, c'est qu'il n'y ait pas de jugement. Donc on va traiter de la même manière un film de Dario Argento ou un film de Julien Courneau ou un film on va essayer d'avoir un regard plutôt cinéphile, bienveillant, et surtout d'éveil à la curiosité sur les films. Donc on porte pas de jugement sur tel cinéaste est un génie versus un autre. Je pense que c'est une célébration avant tout du cinéma de genre, en tout cas sur OCS Choc, avec si ça éveille déjà des professions de cinéastes, de gens qui vont regarder OCS Choc, c'est très bien. Et ensuite, c'est avant tout, c'est vrai que j'arrête pas de parler de plaisir coupable, mais pour moi c'est pas très très péjoratif, en fait. C'est fait que le mot coupable, ça c'est parce que moi j'ai un gros problème de culpabilité, ça remonte à très très loin, et comme il y a un canapé, j'ai envie d'en parler. Mais c'est une notion de plaisir, la notion de plaisir est super importante, et sur OCS Choc, c'est avant tout un plaisir de, effectivement, de, de réflexion ou de divertissement. De réflexion quand on va plus lorgner sur le cinéma d'auteur et de divertissement quand on va vraiment être dans le roller coaster et de se faire peur. Donc voilà à peu près ce qu'on essaie de faire. Après, je pense que l'ADN de ce cinéma-là aussi, c'est de pas forcément être mainstream et que l'ADN d'un film ne se juge pas forcément au moment où il est fait et au moment où il est reçu. Notamment la carrière de Carpenter qui reçoit le Carrosse d'or à Cannes, alors qu'effectivement c'était considéré comme un réalisateur bis, dit beaucoup de ça, et que ce cinéma-là, on revenait à l'idée de transgression dont on parlait au départ, je pense que ça fait aussi partie de l'ADN de ces films, de pas avoir le même tapis rouge forcément devant eux et de devoir faire leur place parce qu'on dit des choses différentes, ou en tous les cas on a envie de les dire d'une manière différente, et ce côté un peu transgressif perd un petit peu son sens aussi si il est dans des conditions trop cosy, on va dire. Moi je sais pas si je suis très d'accord avec ça, parce que en fait effectivement, c'est agréable de se trouver du côté de la marge et de la transgression, d'une certaine manière, c'est même assez protecteur. Mais est-ce que le but, c'est pas quand même, en fait, de viser à faire évoluer les choses, à faire évoluer les tabous, ce que la société considère comme tabou ? Est-ce que vraiment on est obligé de toujours rester dans l'ombre par rapport à des vieilles préconceptions qui datent des années 60 ou 70 ? Je suis pas sûre, moi, que ce soit une très bonne idée de vouloir toujours revendiquer finalement cette transgression-là. La transgression, elle se fait de fait, parce qu'un tabou reste un tabou. Mais en tout cas, la manière, en fait, d'être reçu par le public, je pense que c'est quelque chose qu'il est de notre devoir, en fait, de faire évoluer. Mais je pense pas qu'elle se revendique la transgression. Je pense qu'elle l'est dans la manière dont le film est reçu ou pas à une époque, et réussit ou pas à faire son chemin à un moment T, et c'est le film, de toute façon, une fois qu'il est fait, je pense, ne nous appartient plus. Et la manière dont l'époque va le recevoir à un moment T et 10 ans plus tard, je pense, touche à l'ADN du film qui échappe pour une part à tout le monde. Et quand on voit les tout premiers films de Cronenberg, qui étaient des pures séries B, pour le coup, contenait déjà en germe ce qu'il allait devenir plus tard. Mais je pense que la transgression, de toute façon, elle ne se décrète pas. Enfin, elle est là par rapport à une époque qu'elle rencontre et un cinéma qui est déjà en place ou pas, en fait. Je suis pas d'accord. Je pense que quand justement on parlait de ce cinéma spectaculaire, quand tu fais du cinéma spectaculaire, ça veut bien dire que tu sais sur quel curseur appuyer. Donc ça se décrète. Le cinéma spectaculaire n'est pas forcément une transgression. Je pense que dans le genre, c'est là où on revient toujours à cette notion du genre qui est un énorme fourre-tout, qui a effectivement l'échelle la plus, qui peut être la plus commerciale, la plus efficace, la plus mainstream et grand public, jusqu'à au cinéma le plus underground, le plus punk, le plus transgressif, l'échéancier. Enfin, il est immense, en fait. Ouais, mais c'est juste. C'est pas parce que tu sais conduire une voiture que tu sais la fabriquer. Je pense que il y a vraiment quelque chose qui est important de comprendre. C'est pas parce que tu sais où est le curseur pour faire peur que tu sais nécessairement l'utiliser aussi. En tant que spectateur, ce qui est assez magique. C'est tout ce que je disais entre parenthèses, mais vas-y. Non, mais ce qui est assez magique, c'est de pouvoir aller dans une salle de cinéma, s'asseoir dans le noir avec plein de gens et tout d'un coup partager une émotion très forte. Alors là, je vais vraiment parler sur la peur et d'avoir ce sentiment comme ça d'être d'immersion avec l'histoire, avec le côté justement spectaculaire du spectacle, d'être dedans. Et c'est vrai que cette sensation-là, moi, je ne me souviens pas de l'avoir vécue sur un film français depuis, je voudrais dire toujours, quoi. C'est-à-dire que l'autre sensation, c'est-à-dire le film qui va me faire réfléchir, le film qui est extrêmement brillant dans l'écriture, dans le message, dans le sous-texte, oui, ça je le vois régulièrement et j'adore ça. Mais cet autre type de cinéma, d'expérience que je retrouve dans le cinéma américain, dans le cinéma espagnol, dans le cinéma japonais, dans le cinéma coréen, je ne l'ai jamais vécu en France. Et c'est, je pense que c'est nécessairement lié au problème de ce dont on parle. C'est-à-dire qu'il faudrait qu'un réalisateur, que des producteurs aussi s'attellent à ce type de cinéma qui est un cinéma beaucoup plus... qui peut paraître plus commercial aux yeux de plein de gens, mais qui est, pareil, est très difficile à accomplir. C'est très difficile de tenir des spectateurs sur du suspense du début à la fin d'un film. C'est très difficile de créer la tension, de créer la terreur. C'est très difficile de créer ce genre d'expérience. Et j'aimerais, moi j'adorerais en tant que spectateur, voir ça de la part de cinéastes français. Bonjour. Julia, vous parliez tout à l'heure de l'hypocrisie qu'il y avait en France. Apparemment, il y a une volonté de soutenir ou d'encourager le film de genre. Je me demandais de qui vient cette décision. C'est un énarque dans un bureau qui a dit on va encourager le film de genre. Ça vient d'où, ça? Ça vient d'un peu plein d'endroits, ça vient d'institutions, ça vient de chaînes, de tout ça. C'est-à-dire que c'est vrai que depuis quelques années, on ne cache pas trop l'engouement en France pour la renaissance. On parle beaucoup de renaissance du film de genre et tout ça. Et que c'est vrai que pour qu'il y en ait une, effectivement, moi je disais qu'il fallait quand même mettre les moyens. Mais oui, ça vient de tous les acteurs du cinéma français, des producteurs, de tout le monde. Ça ressemble à un effet d'annonce quand même un peu, non ? C'est assez concret puisqu'il y a eu une aide et qu'il y a eu des avances, enfin des aides données de 500 000 euros par film pour trois longs métrages de films de genre. Mais c'est vrai que ça vient. C'est le ministère de la Culture. C'est le CNC. Ouais. D'accord. C'est le CNC qui s'est rendu compte que les films de genre avaient du mal à passer justement à l'avance sur recette pour toutes les raisons qu'on a évoquées. Et donc, ils ont décidé de monter une commission avec des gens qui justement sont intéressés par le film de genre, savent le lire, savent le défendre, tout en restant des films, comme on disait, d'auteurs donc, qui ont leur place au CNC. Mais il y a avant tout, le désir aussi de renouveler les publics, tout simplement. Enfin, je veux dire, on ne peut pas continuer à accepter que le public soit de plus en plus vieillissant et que on a besoin que les jeunes aillent au cinéma et aillent voir des films. Et on sait qu'il y a une appétence de cette génération pour les films de genre. Du coup, M. Night Shyamalan, il a fait The Visit pour le public français, donc vous avez vu un film d'horreur avec des vieux. Qui est très réussi. Mais très réussi, mais c'est vrai, c'est des vieux, ils sont terrifiants. Et en fait, c'est la solution à tous nos problèmes. C'est bon, j'ai trouvé. Arrêtez de chercher. Mais ça fait hyper peur de visiter. Et ça coûte pas cher. Et comme Get Out, enfin, je veux dire, on parle des budgets, c'est vrai que c'est important, mais... Les vieux, c'est comme les enfants, hein, pour le tournage. Temps de tournage très long, hein, attention. Non, mais oui. Donc non, pas d'effet d'annonce. Je voudrais revenir sur ce que vous disiez, Alexandre, sur le sentiment de peur partagé. Il me semble aussi que dans ce cinéma-là américain, il y a une chose très forte dans la peur qu'on peut ressentir devant ces films, c'est qu'elle travaille des peurs qui sont soit ontologiques, soit contemporaines, enfin qui travaillent des choses extrêmement profondes qu'on tente d'exorciser aussi à l'écran. Et il me semble que c'est quelque chose qu'on voit très souvent aux États-Unis. Par exemple, on compte plus le nombre de films d'horreur ou de blockbusters post 11 septembre pour exorciser la peur des Américains après ce phénomène. Et en France, peut-être que c'est moins notre culture. Alors c'est dommage, on peut pas en parler avec Guillaume Leman. J'ai oublié de vous dire, Guillaume Leman, qui devait être là ce soir, ne peut pas être avec nous puisqu'il y a eu un changement de plan de travail sur un film qu'il produit, donc il n'est pas ici. Mais donc les deux films qu'il a coécrits, dont La nuit a dévoré le monde et Dans la brume, où on voit les rues de Paris dévastées soit par une brume épaisse, soit par des zombies, ramènent quand même à des images qu'on a vues en 2015 par exemple, ou par exemple le film L'heure de la sortie exorcise beaucoup les peurs de climatique, etc. Allez-y, répondez. La question climatique dans l'heure de la sortie, puisque c'est un film sur une bande de jeunes qui ont peur de la fin du monde et qui décident d'organiser un suicide collectif, bref. Mais il y avait, en tout cas, cette question climatique et cette question environnementale, en fait, elle est née des castings, tout simplement. En fait, on a fait des castings de jeunes gens et on leur a posé la question, quelles sont vos plus grandes peurs, et voilà, ça s'est ressorti, et donc du coup, on l'a intégré au film. Mais parce qu'il y avait l'idée, évidemment, d'un film politique. Et du coup, est-ce que ça passe pas par là? Est-ce que ça passe pas par... une envie de spectateur, d'auteur, d'exorciser toutes ces peurs-là, et qui rejoindrait une idée un peu politique aussi du cinéma de genre dont on parle depuis le début. Mais c'est le cinéma en général, quand même, on est... en général, toute forme de création, on est quand même basé sur une société, on vit dans une société, donc on a envie de parler de sujets qui nous parlent. Moi, quand je m'attaque à un sujet ou à une histoire, évidemment, je vais imaginer ce qu'il y a de pire, donc je vais explorer mes propres peurs, et mes propres peurs, elles viennent nécessairement du monde qui m'entoure. Donc c'est toujours connecté. Après, c'est vrai que on a beaucoup parlé, mais c'est vrai qu'il y a peut-être une démarche où on part d'un sujet de société, on va dire tiens, on va faire un film là-dessus, et puis il y a l'autre démarche où on va faire une histoire et on se rend compte que, en tout cas cette histoire va parler de ça aussi, et le sous-texte est plus un sous-texte un manifeste de départ. Donc il y a peut-être une petite voilà. Je pense que même Get Out, qui était voué à être un film qui fait peur, est quand même un film sur sur le racisme, sur. Bien sûr, mais les deux sont liés. Enfin, je veux dire, d'où ça commence, où ça commence. Oui, et puis ça vient d'un réalisateur qui a une vision très claire, qui a passé des années à faire des sketchs sur tous les sujets de société et qui vraiment maîtrise son sujet, voilà, et qui a envie de faire un film. Et ça n'a pas été facile, pour lui, hein, parce que c'était un film très compliqué à monter, même dans l'économie, et peu de gens y croyaient. Donc voilà, mais en général, ce cinéma-là est un cinéma qui réfléchit comme la science-fiction, comme plein d'autres genres, à la société, à l'humain, à nos rapports entre nous, évidemment, et qui va essayer d'exorciser des peurs. Alors, c'est assez sain, hein, mais bon, ça ne change pas grand-chose, comme disait Michel. Mais du coup, c'est vrai que... Oui, je reviens juste sur le fait qu'effectivement, la narration du genre se passe surtout à l'image, et de ce fait, les films de genre manient le symbole, pour moi, de manière finalement plus pragmatique, on va dire, plus réaliste que n'importe quelle autre typologie de film. Ce qui, du coup, peut donner, c'est pour ça qu'on revient sur ces fameux trucs de le spectacle, l'auteur, le machin et tout ça, mais ça donne quand même une typologie de film, donc le genre, qui est à la fois dans la jubilation immédiate de l'action et en même temps, grâce au maniement du symbole, dans le sous-texte souvent psychanalytique, en fait, ou politique de la société ou de l'auteur qui l'écrit. Donc, moi, c'est ça qui m'intéresse beaucoup, beaucoup là-dedans. Des questions dans le public ? Oula, beaucoup. Alors, allons-y. Pour rebondir sur les catégories, moi j'adore la bouffe. Et quand je vais au resto, souvent je regarde pas la carte et je demande au mec de me faire rêver. Et je pense que le cinéma, c'est un peu pareil. Je pense qu'on s'en fout de savoir si c'est genre d'auteur ou pas. Pour Grave, par exemple, c'était super. On était allé le voir avec ma copine et à la fin, on s'est regardé et on s'était pris une grosse claque. Je pense que peu importe que ça soit du genre ou pas, je pense que c'est une erreur de se prendre au piège du marketing, de devoir à tout prix catégoriser un film. C'est avant tout un besoin marketing avant que ce soit le besoin d'un auteur. Je pense que l'auteur s'en fout quand il écrit de savoir à quelle catégorie ça va appartenir. Et je pense qu'un bon film dépasse les genres. Et pour rebondir là-dessus, je pensais, quand vous parliez de comment on peut faire en sorte qu'un film fonctionne, est-ce que ça repose sur la distrib ? Est-ce que ça repose... Enfin, qui est le responsable du succès d'un film ? Il y avait un Alexandre Astier à la télé... que j'aime pas particulièrement, mais que je trouve très smart, et qui était en face d'une nana, une vieille qui participait à un truc de télé-réalité, et on leur avait posé la question de Astier, est-ce que tu kiffes la télé-réalité ? Il dit, bah, je préfère le soir en rentrant chez moi, quand j'ai eu ma télé, tomber sur un truc qui va me tirer un peu plus vers le haut. Maintenant, j'imagine que madame, et là c'est une espèce de pouf de 50 ans, qui comprend rien à ce que dit Astier, le prend très mal et est très vexé, et part du principe qu'un truc divertissant, c'est forcément un truc débile. Et Grave, par exemple, le prouve, alors qu'a priori, on se dit que c'est pas très divertissant si on doit le catégoriser, on va dire que c'est peut-être un film de pression, un film qui fait bader, un film qui peut faire potentiellement peur. En fait, pas du tout. Et on se rend compte qu'on s'est évadé pendant une heure et demie, qu'on a voyagé et qu'on n'est pas obligé de regarder des trucs un peu abrutis pour se divertir. Et si je peux continuer, pendant que vous parliez, ça m'a aussi fait penser à un truc où Vincent Ladon, pendant la promotion de Pater, se retrouve devant un journaliste de chez Allociné qui devait être un jeune et qui posait des questions qui l'intéressaient pas tant que ça, et Lindon le coupe en lui disant mais excuse-moi mais tes questions ça intéresse qui, parce que moi j'en ai rien à foutre. Et le mec est super mal à l'aise et il lui dit bah ouais, c'est l'histoire de la secrétaire qui va voir son patron et qui lui dit monsieur, il y a un coup de fil pour vous, c'est vachement important. Et le mec lui dit mais c'est important pour qui, pour toi ou pour moi, parce que moi je m'en fous. Et juste, excusez-moi, une petite digression, vous auriez peut-être juste pu éviter la pouffe de 50 ans, je vois pas bien le... Bah ça, c'est mon tempérament naturel. Ouais, je suis mais tout seul. Je pense que c'est sur ce genre de choses, voilà, qu'on peut faire aussi attention dans le langage qu'on utilise. Je fais pas attention à ce genre de choses. Bah, il faudrait y faire attention. Et après, ça c'est mon point de vue personnel, mais et je remets pas en question le vôtre, mais et donc. Quelle est votre question? Non, rien. Bah, du coup, je pense que c'est une erreur aussi, du coup, autant pour les auteurs que pour les distributeurs, de catégoriser à tout prix. Et que je trouve que, du coup, c'est un peu une perte de temps de vouloir à tout prix le catégoriser. Et voilà, c'est tout. Mais je pense qu'ici, personne ne veut catégoriser et qu'en fait, on pose des questions qu'on est amené à ce dont on est obligé de se poser, en fait. On est obligé de se poser des questions à cause des systèmes de financement, enfin, ce dont on parle depuis le début. Donc, je pense que personne ici ne souhaite catégoriser si radicalement que vous le dites, les... Les films. Pas du doigt à ce point-là. Ah, d'accord. Non, pas du tout, mais c'est une remarque que je faisais. D'accord. Voilà, c'est... Bah, merci beaucoup. Bah, de rien. Je profite d'être à côté pour poser ma question. Rien à voir, mais bonjour. Je me demandais, j'ai une impression, peut-être que je me trompe, pourquoi les films de genre ne sont pas diffusés, sont moins en tout cas diffusés à la télévision. C'est une impression que j'ai. Alors, les vieux films. Comme Il est revenu, Freddy, enfin voilà les films qu'on a tous vus. Enfin moi je suis des années 80, donc voilà cette période-là. Mais j'ai l'impression que les films d'après, ils sont pas comme Paranormal Activity, Rex, ce genre de films. Je les ai jamais vus à la télé. Alors est-ce que je suis mal tombée ou est-ce qu'ils sont moins diffusés, moins achetés par la télévision et pourquoi? C'est parce que vous vous couchez trop tôt. Peut-être. Bah oui, c'est vrai. En fait, nous, on est quasiment tous moins de 16 ans ici. Et du coup, en moins de 16 ans, ça veut dire qu'on est en deuxième partie de soirée. Et moins de 12 ans aussi, d'ailleurs. Mais surtout, ouais, Boris va répondre mieux que moi. Nous, on peut passer des films en moins de 16 à 20h30. C'est le grand luxe de la PTV, donc d'OCS. Donc c'est surtout, vous n'êtes pas abonné à OCS. Et ça, c'est mal. C'est ça le problème. Parce qu'on a une chaîne dédiée, comme je l'ai dit tout à l'heure, je vais le redire, hein, qui s'appelle OCS Choc. Donc, et puis on a même un service qui s'appelle OCS Go, maintenant c'est OCS à la demande. Vous avez tous les films, y compris les films de genre, un puits sans fond de cinéphilie, mais aussi des films de genre. Donc si vous ne voyez plus les recs et tout ça, allez sur OCS, abonnez-vous. D'ailleurs, abonnez-vous vos amis, votre famille et tous les gens de la salle. De toute façon, je ne pars pas d'ici sans avoir vendu au moins 35 abonnements, sinon je ne fais plus partie de la société. Mais c'est vrai que les décennies précédentes ont été beaucoup plus riches en général en cinéma, à la télévision, sur les chaînes hertziennes, tout court. C'est-à-dire qu'on a grandi, il y avait moins de chaînes, il y avait beaucoup plus de cinéma. Délivrance passait en prime time, La 5 passait des films extraordinaires en permanence. Donc voilà, donc c'était une époque différente. Et c'est vrai qu'aujourd'hui... tout le cinéma dans l'ensemble est beaucoup plus disponible, paradoxalement. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on peut vraiment trouver... C'est très difficile de ne pas retrouver un film. Hein. Vraiment, c'est... De n'importe quelle manière, donc on a accès à tout. Et en même temps, on n'a plus de diffusion, de surprise plus mainstream. Peut-être que ça peut nous permettre de parler quand même de cet enjeu important des interdictions, qui est aussi qui rend très compliqué le financement des films, puisque donc effectivement vous disiez vous êtes tous passés par l'interdiction moins de 16 ans, peut-être pas Revenge moins de 12, mais même l'interdiction moins de 12 ans pose des problèmes. Est-ce que vous avez eu des expériences, vous par exemple, de problèmes que ça a posé sur vos propres films dans le financement ou l'exploitation? Alors bah oui, forcément ça pose des problèmes parce que donc comme je dis, donc moins de 16 ans, ça veut dire qu'on n'a pas de chaîne hertzienne pour les financements, donc TF1, France 2, France 3, M6 on oublie, du coup on n'a que des pay TV, donc Canal, OCS, éventuellement Arte. Et bon, bah, du coup, vous imaginez bien qu'en termes de budget, ça impacte. En plus, ça veut dire que sur ces petits villas, on est en deuxième partie de soirée. Là encore, ça veut dire... Boris, c'est en train de tressailler. Je te le passe après. Ça veut dire donc... sauf chez OCS, donc. Je crois pas avoir jamais été en prime sur Grave. Hein. Je suis pas sûre. Bref, j'ai l'impression... D'accord. Donc, dans tous les cas, voilà, tout ça, ça impacte. C'est-à-dire que tout ça, ça veut dire, par exemple, si vous êtes en deuxième partie de soirée, ça veut dire qu'il y a moins de gens qui vont regarder votre film, parce que la plupart du temps, les gens, ils sont allés se coucher après le premier film de 20 heures, comme tout le monde, ce que je fais aussi. Et donc, voilà. Et donc, du coup, tout ça, ça impacte vachement le budget. Alors, moi, c'est drôle parce que, bon, Grave a été donc interdit au moins de 16. Je ne sais pas si vous, pour ceux qui ont vu le film, je ne sais pas si d'ailleurs ça m'intéresserait de savoir si vous considérez que c'est une interdiction qui est juste ou pas. Nous, on nous a opposé qu'il y avait une accumulation de meurtres dans le film. Alors, à mon sens, ce n'est pas vraiment le cas, mais peut-être que je me souviens mal de mon film. Et en fait, là, je me rends compte que du coup, ça fait quand même que je vais tourner donc un film en fin d'année. Et que... sur le scénario, on part d'emblée du principe, alors qu'il n'est passé par aucune classification, bien sûr, commission de classification pour l'instant, puisqu'on, pour l'instant, c'est un scénario. Je remarque qu'on part un peu du principe qu'il sera interdit au moins de 16 ans aussi. Donc c'est là où ça commence à devenir emmerdant. Vous voyez ce que je veux dire, c'est que ça commence à devenir une petite casserole au pied quand même. C'est-à-dire que même si ça se trouve, au bout d'un moment, cette commission que je vais avoir pour plein de raisons, on va dire, bah non, en fait, c'est moins de 12, parce que j'aurais réalisé le film, que finalement, j'aurais décidé de pas montrer ça, de montrer plus ça, de tout ça, machin, que finalement, on tombe à moins de 12. Là, à l'étape du scénario, on considère que vu que j'ai fait Grave et que c'était moins de 16, il y a moyen que ce soit moins de 16 aussi. Donc, tout ça est très, voilà, tout ça est très étriqué comme manière d'essayer d'évoluer. Voilà. C'est ce qui conduit à des paradoxes. C'est vrai qu'on ne devrait pas se poser la question d'un guichet spécial pour le cinéma de genre, mais comme c'est impossible de prévendre sur les chaînes hertziennes, de monter des financements décents pour ce type de cinéma, et que derrière, tous les films qui ont été faits n'ont jamais prouvé un succès populaire dans ce type, on arrive de nouveau à une restriction budgétaire, à des commissions étranges qui vont dire, voilà, c'est que le cinéma de genre. Et finalement, c'est pas ça qui semble être la solution. S'il y en a une, c'est vraiment le succès populaire aussi, ou un autre moyen de financement. C'est vrai que d'obtenir une chaîne de télévision sur des moins de 16 ans, sur haute tension, on a failli avoir M6. Il y a eu un fait divers et ils se sont retirés le lendemain. C'est des choses. Ça tient vraiment à rien. Et après, c'est plus aux distributeurs, c'est plus aux partenaires de PTV, parce que c'est vraiment là où le film va trouver son public en général. Et puis après, c'est aussi la qualité des films. Il faut qu'on réussisse à... Il y a un moment donné où, en Espagne, ils ont eu... Bon, alors ça n'a pas duré, et c'est fini maintenant, mais ils ont eu un moment où des films comme L'Orphelinat, des films comme Rec... ont fait des millions d'entrées, ont gagné les Goyas, c'est-à-dire les Césars espagnols, et c'était vraiment pas du cinéma de genre, c'était vraiment du cinéma où les gens adoraient et étaient là. Ça a marché pendant quelques années, ça continue un petit peu, c'est plus le cas vraiment, mais c'était quelque chose au moins qui a été... Il y aurait vraiment débat de dire, voilà, là, il y a eu une vraie renaissance du cinéma de genre en Espagne. En France, elle a toujours été très artificielle. Et pour le coup, je pense que c'est aussi une place que sont en train de prendre les plateformes, pour le coup, qui ont une vraie appétence pour le cinéma de genre, quel qu'il soit, et qui créent une énorme demande de ce qu'ils appellent les contenus, voilà, donc qui ouvrent beaucoup de places, en effet, que les distributeurs plus classiques... Renacle et rechigne un peu à prendre, donc à voir comment tout ça va évoluer avec l'arrivée aussi des nouvelles plateformes qui va se multiplier. Il y avait d'autres questions dans le public, non ? Bonjour, Moi, j'avais une question plutôt pour les réalisateurs et peut-être la productrice aussi. Est-ce que vous pensez qu'on peut faire du cinéma français en anglais ? C'est-à-dire du cinéma de genre français en anglais. C'est-à-dire que tout à l'heure, Julia Ducournau parlait du fait que les budgets étaient limités en France. Effectivement, le cinéma de genre coûte cher. Est-ce qu'une manière de faire ces films ne serait pas de les faire en anglais ? Alors, sans aller forcément à Hollywood comme Alexandre Aja, mais aussi passer par des coproductions internationales comme le fait peut-être le cinéma indépendant américain ou je ne sais pas comment fonctionne le cinéma espagnol, mais ils ont tourné pas mal de films espagnols en anglais comme beaucoup de films d'horreur ou même les autres. Voilà, donc qu'est-ce que vous en pensez ? Pour les financements, c'est vrai que le critère de la langue est un critère important pour obtenir un certain nombre d'aides, en tout cas sélectives, comme l'aventure recette, enfin les aides du CNC, etc. Pareil pour les chaînes, où en fait, voilà, c'est pas les mêmes montants, c'est pas les mêmes obligations. On a un système qui est en effet assez réglementé et assez qui a des avantages, mais aussi certains inconvénients, et notamment la difficulté de faire des films français en langue étrangère. C'est plus compliqué. Après, c'est évidemment une possibilité, mais ce n'est pas non plus une garantie de succès. Enfin, je sais pas, on peut en parler aussi avec vous, parce que... dans mon cas très précis sur Revenge, moi je sais que c'est le fait d'avoir introduit de l'anglais dans le film qui a rendu possible le fait de faire le film, puisqu'au début je voulais le faire intégralement en français, on n'a pas réussi à le financer de cette façon, donc après je me suis dit ok, je vais le faire intégralement en anglais. On n'a pas réussi non plus à le financer, puisque du coup, on perdait en effet tout un certain nombre d'aides, de crédits d'impôt, de distributeurs français, par ce Canal+, par ce biais-là. Donc en fait, nous, la solution qu'on a trouvée, ça a été de mélanger les langues aussi, parce que le sujet du film et le dispositif du film le permettaient d'avoir quelque chose qui restait organique et naturel au film, ce qui nous permettait donc de rester un film français, puisqu'on avait 51% du film où les dialogues étaient français, donc de bénéficier des aides françaises, tout en majorant en fait les investissements sur les ventes inter ou d'equity qui, puisque le film avait de l'anglais, permettait effectivement de mieux se vendre à l'étranger. Donc c'est vrai que dans ce cas-là, ça a été, dans mon cas, quelque chose qui a rendu le film possible. Après, personnellement, moi je suis ravie de l'internationalisation des moyens de production qui ouvre en fait des possibilités à l'échelle européenne ou internationale, qui pour le coup, je trouve, n'existe pas encore en France quand on veut effectivement aller sur un certain registre de films ou un certain niveau de budget. Je pense qu'en France, on est très vite limité, et le fait d'envisager d'autres manières de produire permet d'envisager d'autres films, je pense. C'était quoi comme coprod ? On n'avait pas de coprod, nous, on restait film français, c'est juste qu'on avait un investissement de vente inter majoré, puisqu'ils savaient que le film se vendrait probablement plus facilement, puisqu'il y avait une part d'anglais dedans. Quoi. Je produis un film... complètement en langue anglaise, qui se passe à Los Angeles, avec Elijah Wood dans le rôle principal, un remake d'un film américain. Et le film est complètement français, en termes de qualification, je parle. Parce qu'en termes de théorie, absolument pas. Mais donc c'est possible, et c'est vrai que les partenaires et toute la qualification, bon, c'est compliqué, après il faut trouver des chefs de poste qui sont européens à Los Angeles, il faut... Mais à partir du moment où les scénaristes, les producteurs, le réalisateur, le chef-op, et... et puis les industries de post-production sont françaises, après ça peut qualifier, donc c'est vrai que ça peut aider, mais après il y a quelque chose, c'est vrai que en France, même s'il y a vraiment des efforts, j'ai l'impression, qui ont été faits sur le financement, pas sur le financement mais sur le coût de fabrication des films et sur le crédit d'impôt et tout ça, on reste quand même extrêmement c'est extrêmement compliqué quand même, il y a beaucoup de règles partout dans le monde. On peut faire des films, quand on fait des films vraiment de petit budget, on a une sorte de liberté absolue pour les fabriquer, et ça permet de faire des films avec moins de pression. C'est vrai que le premier, alors là, on commence, j'ai entendu qu'il y a des films qui se font à à 500 000, 600 000, 1 million d'euros. Mais ce n'était pas le cas il y a quelques années. C'était juste impossible à faire en France. Mais c'est encore loin aux États-Unis. Chaque année à Sundance, il y a des films incroyables qui ont été faits pour 200 000 dollars. Et qui sont... Mais ça n'existe pas en France parce qu'on ne peut ça pas... Se fait un peu de plus en plus. Enfin, ça se fait un peu. Moi, je ne sais pas, mais je suis sur... Je n'ai pas les chiffres exactement, mais il y a un certain nombre de films en dessous d'un million. Il y a une liste de films dans le film français. Oui, il y a quand même beaucoup de films qui se font aujourd'hui à moins d'un million. Voilà, c'est la seule obligation, c'est de payer les gens au SMIC, ce qui est faisable. Après, c'est comme partout, comme aux États-Unis. Après, c'est plus réglementé aux États-Unis parce qu'il y a. États-Unis, en fait, c'est selon la taille du budget, les règles sont différentes. Donc, dès qu'on rentre dans des vraiment petits budgets, il n'y a quasiment plus de règles. Donc, après, ça permet quand même une liberté de création avec des moyens qui sont beaucoup plus réduits. C'est-à-dire que vraiment, il y a chaque année des films qui se font pour 100 000, 200 000, moins de 500 000 en tout cas. Et j'ai l'impression que là, il y avait France, un film reste... à Cannes qui d'Afzia Herzi, et ils ont fait toute la promo du film en disant que ça avait coûté 1 000 euros. Bon, ça m'étonnerait que ce soit le cas, mais en tout cas, ça devenait un truc marketing, quoi. Eh bien, je crois qu'on arrive au bout de cette rencontre, malheureusement, puisqu'il est 15h30. On fait durer encore un peu sur des questions dans le public, donc s'il y en a encore. Et sur les films en langue anglaise, il y a aussi les films de Pascal Laugier qui sont faits comme ça, donc effectivement, ça existe, les films français. Bonjour, j'ai deux questions. La première, pourquoi les sociétés de production ne déménagent pas au Canada, Montréal, Québec? Et deuxième question, combien il a coûté le film de Revenge? Revenge, il a coûté 2 millions d'euros. Et après, sur la question pourquoi elle ne déménage pas, c'est parce qu'il y a des sociétés de production au Canada. Donc autant faire des coproductions si on veut travailler au Canada, je pense, à mon sens. Mais c'est vrai que le coût de fabrication au Canada est un coût de fabrication intéressant. Et si on fait un film en anglais, c'est souvent plus intéressant d'aller le faire là-bas, que même avec les crédits d'impôt français. Ça reste un système qui est très cher. Après, c'est une question de philosophie et de point de vue. Oui, bonjour. On parle de beaucoup d'auteurs depuis tout à l'heure, mais il y en a un qui est en activité aujourd'hui, et d'autant plus depuis 20 ans, c'est Guillermo del Toro, et dont le travail, je trouve vraiment passionnant, qui parle beaucoup du sujet du film de genre, qui parle du fait que ce soit une parabole, qui parle de sujets de société au travers des monstres, au travers de tout ce genre d'histoire. Et je trouvais, c'est pas vraiment une question, c'est plus une piste de discussion, le fait que son travail soit aussi connu, il arrive à avoir des budgets conséquents, même La Forme de l'eau à 18 millions, un truc comme ça, même s'il voulait faire en noir et blanc, que c'était plutôt à 16 en noir et blanc, quoi. Mais du coup, est-ce que son cas est vraiment particulier, alors qu'il produit à plein de niveaux, on parlait de l'orphelinat, etc. Est-ce que c'est possible au final de pouvoir faire ces films avec des budgets qui commencent à être vraiment intéressants, vraiment pour faire des gros effets, ou voilà, c'était ça plutôt ça. En France, il y en a peu, hein, à part peut-être Christophe Gans qui a fait La Belle et la Bête dans un univers un peu genre fantastique. Après, c'est des personnalités. Voilà, il y a un seul Guillermo. Oui, il y a Jeunet, exactement. Oui, on a eu. Il y a des cas comme ça. Il y a des. Mais après, il y a plein de choses. Hein. Je veux dire, le cinéma d'auteur, allez dire du genre. On parlait de Lynch avant. Il y a tout un groupe d'auteurs des années 90, même avant et après, qui a été entièrement financé par la France. Pendant des décennies. CB2000, ça a été une boîte assez exceptionnelle en termes de... CB2000 était une filière de TF1. Et ils ont financé énormément de David Lynch, de Cronenberg, de Almodovar, de tout ce cinéma international. Donc, je suis sûr que s'ils avaient eu à l'époque un Guillermo français, voilà, ils l'auraient financé aussi. Que aussi, juste pour finir, c'est... Oh. Oui, je vais juste rajouter un truc, parce que je te trouve un peu dur avec la France. Mais en fait, Guillermo, quand même, est mexicain. ils viennent d'un pays dans lequel le film de genre est, ils vouent un culte au film de genre. Le film de genre au Mexique, ça a énormément de succès, ce qui n'est pas notre cas à nous. Donc quand même, quand il a commencé dans son propre pays, il a eu les moyens de pouvoir réussir à se faire entendre et à exister avant de passer aux États-Unis. Bim. Bonjour. Juste une petite question. En vous écoutant tous, etc., je me suis demandé si effectivement le problème du film de genre ne venait pas aussi plutôt de la base, à savoir le court-métrage. Alors peut-être que je fais un petit pas de côté, mais pour mon cas, j'ai essayé de vendre un film de genre voilà, français. Malheureusement, je n'ai pas eu de subvention parce que pour pas mal de choses, je n'ai pas fait d'école, etc. Donc je me suis dit, je vais le faire tout seul. J'ai fait les 20 premières minutes d'un long-métrage. Le public lambda trouve ça plutôt très intéressant, mais les producteurs ne veulent pas du tout le voir, ne veulent pas du tout l'entendre. Et lorsque je vois dans les festivals, la plupart du temps, on va dire 80% des films qui sont diffusés en festival, il n'y a pas de film de genre. Alors effectivement, il y a des interdictions qui sont un petit peu compliquées, c'est vrai qu'il y a des séances qui sont plutôt la journée pour tout public, mais j'ai remarqué que même s'il y a des festivals ciblés films de genre, mais c'est extrêmement dur de pouvoir effectivement démarrer par le cinéma de genre, enfin en tout cas d'essayer de vendre un film de genre, si déjà à la base on ne peut pas le montrer au public. Donc est-ce qu'il ne faut pas justement plutôt déjà avoir une certaine, d'avoir une culture en fait, et de donner envie aux gens lambda, et je parle effectivement avec monsieur Aja qui a décidé effectivement de partir à Hollywood parce qu'il s'est trouvé effectivement que c'était plus simple peut-être de vendre des de genre, mais voilà, j'ai trouvé effectivement, est-ce que c'est pas le court-métrage, est-ce qu'il faut pas reprendre à la base et donner envie aux gens tout simplement de voir des films de genre déjà dans les festivals? Bah, le court-métrage a jamais été aussi fort qu'aujourd'hui, hein, quand même. C'est-à-dire que la plupart des plus gros succès du cinéma d'horreur ou du cinéma de peur, en tout cas ces dernières années aux États-Unis, mais aussi partout, sont aussi basés souvent sur un court-métrage fait sans aucune aide, hein, et qui tout d'un coup va inspirer des producteurs, des financiers, dire on va faire il y en a beaucoup, c'est très recherché aujourd'hui aux États-Unis. Il y a des départements d'agences qui sont entièrement dédiés à regarder des courts-métrages et à trouver la perle qu'on va pouvoir passer en long. Donc ça n'a jamais été vraiment le court-métrage n'a jamais été le plus court chemin pour c'est vraiment aujourd'hui, on y est pour faire un long métrage aujourd'hui, en tout cas de genre. Je pense que la meilleure chose à faire aujourd'hui, c'est de vraiment faire un court métrage qui soit absolument dément, parce que on n'est pas, voilà, tout est possible après. C'est-à-dire qu'à partir j'en ai vu un récemment là, je crois qu'ils vont faire le film qui s'appelait Acide, qui était un court métrage français sur des, ouais, voilà, qui est extrêmement bien fait, qui fait très peur. Qui est très tendu, qui est super gore, et voilà, ils vont faire le film. Et j'ai parlé avec le réalisateur qui veut le faire en France, très bien, mais s'il avait voulu, il aurait pu partir le faire en long métrage aux États-Unis le lendemain. Et encore une fois, il a fait son court métrage, et c'est les Américains, les agents qui sont venus le chercher pour lui dire. Donc aujourd'hui, le court métrage, vraiment, je suis pas sûr que ce soit aussi difficile que ça. C'est au contraire. Et en plus de ça, à l'époque, quand on voulait faire, moi, quand j'ai commencé à faire des courts-métrages, si on voulait faire un court-métrage en vidéo, c'était de la DV, c'était vraiment de la merde. C'était vraiment, vraiment de la merde. Donc on était obligé de trouver de l'argent, de l'aide pour pouvoir faire le film en pellicule. Ça coûte beaucoup d'argent et c'était compliqué. Aujourd'hui, la qualité des caméras qu'on achète dans le commerce juste pour soi et quasiment au niveau des caméras de cinéma. Donc il y a quand même une facilité pour justement faire ces courts-métrages-là. Mais là, tu parles de l'autoproduction, parce que c'est vrai qu'en court-métrage de genre, on retrouve un peu, je pense, la même organisation que pour les longs-métrages, où le court-métrage de genre est très peu aidé par les commissions institutionnelles, que ce soit CNC, région. Donc il faut là encore trouver d'autres manières de financer les films. Je prends l'exemple pour mon court-métrage d'anticipation Reality Plus que j'ai tourné avant mon long-métrage. Nous, on n'a eu aucune aide de CNC, de région, de chaîne. Ça a été du mécénat culturel d'entreprise. Moi, ça a été les Audi Talent Awards qui ont permis de financer le film. Et une fois qu'il a été fait, il a été acheté par France 2. Mais avant, on n'a eu aucune aide. Donc, c'est vrai que je pense qu'on retrouve un peu les mêmes mécanismes, même si là encore, c'est en train de bouger, puisque je crois que les aides du CNC ou les résidences au film, enfin bon, concernent aussi les courts-métrages. Donc, il y a des choses qui se mettent en place. Mais on retrouve encore ouais, un peu la même dichotomie à l'échelle du court. Ouais, mais dans le reste du monde, il n'y a pas d'aide. Ouais. Il n'y a pas d'aide. Nulle part ailleurs, il y a de l'aide. Et aujourd'hui, ça change parce qu'il y a le crowdfunding et donc les gens réussissent à trouver des financements pour leurs projets. Mais c'est encore une fois, oui, on peut rentrer dans un. Je veux dire que la logique du court-métrage financé avec des aides, c'est génial. En même temps, on peut toujours réussir à faire du court-métrage sans financement et sans nécessairement en trouvant l'argent, comme tu l'as dit. Bah, tu l'as trouvé aussi. Sans les aides, c'est-à-dire que c'est possible. Il faut gagner des... Enfin, voilà, c'est oui, il faut trouver d'autres... Mais tu trouves quand même des aides, t'as besoin d'aide. On a après, juste pour un truc, je trouve quand même hein, que c'est vrai que en France, sur les courts-métrages, on a de la chance hein, par rapport aux autres. Franchement, il y a quand même plus de guichets. Il y a vraiment beaucoup, beaucoup plus de guichets. Moi, Junior, je l'ai fait en 2011. Film de genre, j'ai eu le CNC. 2011, hein, c'est-à-dire qu'il n'y avait même pas d'idée de renaissance du genre français ou quoi, au cast à ce moment-là. Je trouve qu'il y a je trouve que c'est plus facile sur court que sur long, quand même. Et en plus, surtout, il y a beaucoup, beaucoup, beaucoup de festivals. Les courts-métrages sont très, très scrutés en festival et il y en a vraiment du petit au plus grand. Il y a une multitude de festivals, de films, de courts-métrages et des deux, et de courts et de longs. Et vraiment, enfin, il y a beaucoup de possibilités. Hein, en tout cas, ne lâche pas l'affaire sur ton court métrage. Il y a quand même vraiment en France, on a de la chance à ce niveau-là. Une toute dernière question, et après, on sera obligé d'arrêter. Oui. Alors, vous parliez de comment vous avez tous découvert les films de genre tout seul, sans que personne vous les ait conseillés. Et vous parliez aussi de Carpenter ou Cronenberg ou même, enfin, Martyr. Vous l'avez cité. Qui ont été connus après, qui sur le moment n'étaient pas très aimés, mais que maintenant, Cronenberg, Carpenter, c'est des dieux. Et vous pensez pas, enfin, c'est très décourageant, je suis désolé, mais vous pensez pas du coup que le film de genre, parfois, il est quand même presque voué à être découvert plus tard, et qu'en soit presque le succès en salle, ça voudrait dire que souvent, ils vont être oubliés, parce que c'est un peu justement ce qui fait l'attrait, c'est qu'on le découvre après, et que sur le moment, il n'a pas été compris, ou que justement, s'il a eu succès, c'est-à-dire qu'il est trop normal. Bah c'est une grande chance de pouvoir avoir une deuxième chance. Déjà, c'est pas mal. Mais en même temps, le cinéma de peur, d'horreur, n'a jamais, jamais autant marché dans le monde qu'aujourd'hui. On vit à un moment qui est exceptionnel en termes de... C'est-à-dire qu'aujourd'hui... La plupart des films d'auteurs, la plupart des films sont voués à passer sur des plateformes de streaming. Le cinéma de genre, le cinéma d'horreur est le dernier et le seul à pouvoir rivaliser avec les énormes blockbusters à plus de 100 millions, 200 millions de Disney, Marvel, et, même si c'est la même chose. Mais bref, c'est quand même un âge d'or de ce cinéma-là aujourd'hui. Une expérience collective, c'est-à-dire cette question, enfin on a beaucoup parlé de ça, de la sensation, c'est-à-dire du corps, enfin comment on engage son corps de spectateur quand on va voir un film de genre, c'est d'autant plus multiplié qu'on vit cette expérience de manière collective dans une salle. Et voilà, et pour avoir envie aujourd'hui de payer 11 euros pour aller voir un film, bah, y a aussi ce désir de vivre ça, et on le voit très bien avec Parasite, c'est-à-dire le plaisir que ça procure d'aller voir ce film-là dans une salle pleine, et il est assez formidable. Donc voilà, on ne peut pas être que déprimé. Bon, eh bien, merci à tous d'avoir participé à cette table ronde. Merci d'avoir été là. Pour ceux qui le souhaitent, Nous vous invitons donc à assister au prochain débat dans cette salle autour des adaptations et de la BD au cinéma avec Mathieu Sapin, Christophe Blain et Nicolas Barry. Voilà, merci encore.